Chapitre 15e, la femme qui aime invente. On était arrivé au mois de mai, ce beau mois des senteurs et de la vie, où l'âme remplie d'ivresses inconnues s'ouvre à des sentiments nouveaux, en même temps que la nature s'épanouit aux rayons d'un soleil bienfaisant. Le tout Paris commençait à émigrer loin de la ville, se cloa comme miasme délétère, où pendant près de 6 mois il s'était gorgé de plaisir. Il allait demander d'autres jouissances, soit à l'étranger, soit aux villes d'eau. Chaque année, il a besoin de cela, non pour réparer ses fatigues, mais bien pour les varier, tant la sobriété lui pèse à ce pauvre être fatidique de lui-même. Reste dans la grande ville, les pauvres et les déshérités de la grande famille, ceux-là que rivent à la glèbe l'utilité de vivre et la misère. Ils ont beau souffrir, avoir besoin de l'air vivifiant et non corrompu, il leur faut rester. Mystère insondable des hiérarchies sociales. Pendant que les uns iront promener leur faste à travers les pays étrangers, tandis qu'ils iront faire vivre par leurs dépenses pendant 3 mois des villages tout couverts de neige et qui semblent endormis pendant 9 mois, les autres, aux dépens de leur santé, sans souci de leur famille dont ils sont séparés, leur prépareront de nouveaux plaisirs pour le moment où les feuilles tombant des arbres les chasseront de nouveau vers leurs anciennes huttes que pompeusement ils appellent la ville, de même qu'ils ont appelé campagne, d'autres huttes pareilles qui n'ont d'attrait nouveau que le paysage. À cette époque de rénovation, de renouvellement de la vie et des sens, les médecins, qui à force d'analyse en sont arrivés à douter du grand principe de vie, font acquis de leur conscience en envoyant les malades mourir sur un sol étranger. À plusieurs, le soleil rendra la vie, ou du moins la prolongera. À beaucoup, il prodiguera des regrets de la quitter. À tous, il donnera la chaleur. Adrienne, qui naguère aspirait après cette époque, parce que lasse de plaisir, elle avait soif de sensations nouvelles, la vit arriver avec une singulière tristesse. L'accident qui lui était arrivé en recevant la fatale dépêche avait attaqué sa vie dans sa source. La toux légère d'abord, mais qui s'était peu à peu développée, avait son siège dans les bronches. Les craintes du médecin lors de ce malheur n'étaient que trop bien confirmées, la poitrine était attaquée. Ce mal terrible, toujours demeuré rebelle à la science, n'avait pas suivi le cours de sa langueur ordinaire, ses progrès avaient été rapides. Au blanc mat des joues avait succédé un blanc nacré légèrement coloré, comme le bord des feuilles de la rose de thé. Le mal atteindra immédiatement un haut degré, avait dit le médecin à Gaston, puis la maladie semblera stationnaire, et la femme, ne souffrant plus, se verra s'éteindre jusqu'à ce qu'arrivent les dernières crises. Adrienne connaissait la gravité de sa maladie, il prévoyait l'ordonnance du médecin. Aller dans le midi. Aussi, chaque fois qu'appuyée au bras de son amant, elle aspirait les premières brises du printemps, elle se sentait les yeux humides, puis elle prenait la tête de Gaston et l'embrassait d'un regard qui semblait lui dire « Je devrais donc te quitter ». Elle ne songeait guère à sa poitrine, elle sentait son cœur trop volumineux pour son enveloppe. La mélancolie, ce signe caractéristique des pauvres poitrinaires, n'existait que lorsqu'elle pensait à la fin suprême, qui la séparait entièrement de lui. Elle tremblait à la seule idée de partir sans lui, seulement pour quelques mois. Gaston, la voyant souffrante, avait sanctifié sa passion. Il adorait Adrienne, comme un amant sa maîtresse, comme le Titien dût adorer la duchesse de Ferrare, qui, tout émue après la séance, lui donnait sa main à baiser. Il l'aimait comme cette femme pure et redevenue chaste par l'amour désirait être aimée. Ils passèrent de longues heures ensemble, vivant l'un et l'autre par là, mais sans inquiétude du dénouement que pourrait avoir leur passion, devenue pour le moment une affection de sentiment à sentiment. La mer était calme et bleue, comme sous le beau ciel d'Orient. Pas une vague ne venait faire crouler les pierres du rivage sous le prétexte de les baiser, pour après, avec un seul galet, brouiller la belle nappe limpide. Gaston n'ajoutait pas foi aux conséquences que le docteur tirait de l'atout de sa maîtresse. La duchesse avait entièrement rompu avec la baronne de Neuburg, celle qu'il avait mise aux portes du tombeau en machinant une trame qui lui avait fait croire Gaston mort. Le médecin avait défendu de prononcer ce nom devant elle. Le duc, qui avait eu connaissance du quasi-enlèvement de Derfurt par les ordres de la baronne, qui en outre savait l'état d'Adrienne, semblait avoir redoublé d'affection pour sa femme. Au lieu de rester des 4 jours sans la voir, ni même s'enquérir d'elle, il venait chaque matin s'informer de sa santé. Le mari qui n'existait pas s'était tout à coup créé et en même temps doublé d'un père. Pour Adrienne, la vue de cet homme lui faisait mal. Elle, qui l'avait tant de fois fréquenté avec une indifférence si marquée, sentait un malaise inouï lorsqu'elle l'apercevait. Le sang du cœur colorait immédiatement ses joues blanches. Le vieillard voyait et comprenait tout. Il savait les visites assidues de Gaston à sa femme, leurs longs entretiens. Il n'osait parler. D'ailleurs, se montrer jaloux à cette heure eût été du dernier ridicule. Il avait donné à Adrienne le droit de disposer de son cœur. C'était lui qui l'avait voulu. Tout à coup, un étrange amour pour cette belle jeune femme, qui lui avait été livrée si jeune encore, si ignorante de la vie, le prit au cœur. Mais cet amour fut paternel. L'homme de caste était devenu humble et même bourgeois. Il souffrait Gaston parce que Gaston, une fois éloigné, Adrienne mourrait. Il jouait le rôle de ces pères qui appellent le séducteur au chevet de leur fille mourante, afin de lui sauver la vie si faire se peut. Gaston n'avait pas séduit Adrienne. Elle était restée pure au sein des orages de son cœur et de ses sens, mais elle lui appartenait de cœur. Le duc de Bussiardin avait appris du docteur toute la gravité de la maladie. « C'est une plante qui doit vivre en serre, » lui avait-il dit. « Il faut qu'elle aille dans le Midi. Bien loin, n'est-ce pas ? » avait-il répondu. « Mais qui l'accompagnera ?» Le médecin regarda le duc. Ces deux hommes s'étaient compris. Un matin, le médecin et le duc se présentèrent chez la jeune femme. Elle était encore au lit. Le temps était beau et la brise tiède. Le docteur ouvrit la fenêtre. L'air parfumé entra. « Vous venez me reprocher ma paresse, » dit la jeune femme en souriant. « Vous avez raison. C'est honteux d'être dans son lit à pareille heure au mois de mai et par une si belle journée. »« Vous avez compris, » dit avec une brutalité affectée le médecin. « Nous venions vous le dire, monsieur le duc et moi. J'ajouterai même qu'il est honteux d'être à Paris. Il faut partir, et promptement, afin de guérir ce maudit rhume, dont il vous reste encore quelque chose. » Aussi demain serez-vous sur la route de Nice. Guérir mon rhume ? S'efforça de répondre la malade en souriant. La toux l'empêcha d'achever. Vous partez demain, c'est convenu. Je resterai encore tout le mois ici. La parisienne fantasque avait repris cet air d'autorité et d'aisance qu'elle avait avant d'aimer. On ira avec vous, ajouta le médecin en lui prenant les mains. Elle regarda son mari. Le grand seigneur, le descendant des Bussiardins, sentit son regard humide. Il se détourna. « Ce ne sera pas moi, » observa-t-il d'une voix émue. « Si vous m'appelez plus tard, j'irai vous rejoindre. D'ailleurs, pour le moment, le docteur m'a dit d'aller dans les Pyrénées, n'est-ce pas, mon ami ? Et qui donc m'accompagnera ? Moi, si vous le permettez, » répondit le médecin. « Et Jenny ? J'accepte. » fit Adrienne distraite et réfléchissant. « Seulement, je vous préviens que j'ai ma tête et que je resterai tout le mois de mai ici. » En sortant, les deux hommes n'eurent pas besoin de commenter ce caprice de la jeune femme. « Elle veut avoir son amant, » pensèrent-ils. « Mais pourquoi, » se dit le médecin par lui, « ne l'emmène-t-elle pas immédiatement ? Plus elle retardera, plus le mal empirera. Qu'elle emmène son Gaston, mais qu'elle parte !» Adrienne se leva et déjeuna avec le duc. « Ce vieillard m'aimerait-il » pensa-t-elle. Cette pensée lui fit horreur. Elle ne devinait pas les sentiments qui tout d'un coup se faisaient jour dans ce cœur refroidi. Gaston vint comme d'ordinaire la voir l'après-midi. Elle manifesta le désir d'aller se promener. Elle n'était point triste, mais soucieuse. Ils montèrent en voiture sous les 2 heures et allèrent au bois. Adrienne parla littérature et questionna son amant sur ce qu'il faisait. Elle apprit de lui qu'il y avait environ 4 mois, il avait terminé un roman, qu'il avait porté le manuscrit chez tous les éditeurs, et qu'il l'avait comme au premier jour de la lutte éconduit. Un seul lui avait offert de l'éditer s'il faisait la moitié des frais. Gaston vivait, mais le moyen de trouver 400 à 500 francs. Le manuscrit avait été resserré. À la fin de la promenade, Adrienne parut d'une gaieté inaccoutumée, d'une de ces gaietés dont elle n'avait plus souvenance depuis qu'elle vivait par le cœur. Gaston était étrangement surpris. Il la crut guérie. Toutefois, il regretta de la voir moins aimante que de coutume. Lorsqu'ils se quittèrent le soir, la jeune femme exigea de lui qu'il ne viendrait que le surlendemain au soir. que ces deux jours-là, il resterait chez lui. Gaston s'ingéniait à deviner et n'y parvenait pas. Ses idées se confondaient, se brouillaient dans son cerveau comme la mer pendant les heures qui précèdent l'orage. Adrienne était redevenue la folle jeune femme qu'il avait vue monter dans le coupé bleu il y avait quelques mois. Le lendemain, il pleuvait et ventait. À 9 heures du matin, la duchesse faisait atteler. Elle fut environ 1 heure et demie sortie. Quand elle revint, elle trouva le médecin qui la gronda fortement d'être sortie dans sa position, à pareille heure et par un temps semblable. La belle reine d'autrefois reparut dans toute sa mutinerie charmante. Elle traita le médecin de visionnaire. « Ma promenade de ce matin m'a donné de la santé pour 4 mois. Écoutez, docteur, je ne veux pas vous faire de peine. J'avais dit que je ne partirais qu'à la fin du mois. Mais pour vous complaire, j'aimerais le temps de 15 jours. Il faut bien faire quelque chose pour les enfants. » « Mon enfant, répondit le disciple d'Esculape, si je n'étais pas un mieux barbon, si vous n'étiez pas madame, si... Je vous aimerais comme un amant. Vous êtes adorable. Vous trouvez ? Mais le malheur, c'est que vous êtes vieux, que je suis madame et que... Votre cœur est pris, et fortement. Le bonheur, c'est que vous êtes mon ami. » Le jour même, Gaston se demandait s'il obéirait à l'ordre de son ami. Son imagination battait la campagne lorsqu'il entendit frapper chez lui. C'était un juif en librairie. Le poète le reconnut pour un homme qu'il avait été conduit plus que peu honnêtement lorsqu'il lui avait présenté le manuscrit qui maintenant gisait tristement couvert de poussière dans un coin de sa chambre. Le commerçant affecta une politesse excessive et demanda au poète ce même manuscrit. Gaston chercha à scruter le regard de cet homme. Le visiteur tira de sa poche un papier enveloppé et lui dit « Je le paye comptant. » Le jeune homme n'avait pas encore été prendre son roman. Il examina ce qu'on lui présentait. Il trouva enveloppé 2 billets de 1 000 francs. « Seulement, ajouta l'éditeur, sans prendre garde à la stupéfaction de l'écrivain, il faut qu'il paraisse dans 15 jours. Aussi, d'ici 3 jours, aurez-vous les premières épreuves. » Gaston avait machinalement pris le manuscrit. Le juif le saisit tout couvert de poussière et sortit. Au jour dit, les épreuves étaient chez Derfurt. Au bout de 10 jours de date, il donnait le bon à tirer, et le 15e, il portait à Adrienne le premier exemplaire de Nausicaa. La pauvre jeune femme avait été de nouveau reprise de l'atout. En recevant l'œuvre de son poète, elle sourit, l'embrassant avec frénésie, puis porta son mouchoir à ses lèvres. Gaston vit qu'il était rouge. « Mon Gaston, lui dit-elle, rien ne vous retient pour le moment à Paris. Vous partirez avec moi pour Nice, pour l'Italie. Vous viendrez où j'irai, c'est-à-dire où le médecin m'enverra, car il veut que je parte, et j'en ai besoin, » ajouta-t-elle en touchant sa poitrine. Le soir, elle disait au docteur, « Nous partons après-demain. » Quel caprice peut-elle avoir, pensa l'homme de science qui n'avait rien vu de changé aux habitudes de sa protégée. Quant à Gaston, entièrement absorbé par l'ivresse de son amour et l'hallucination d'auteur, il ne soupçonna pas que c'était Adrienne qui, ne voulant ni ne pouvant se séparer de lui qu'elle adorait, avait, dans les trésors de sa tendresse, inventé le moyen de lui dire « Viens, tu ne dépends que de toi ». Il ne soupçonnait pas que la femme dont le cœur n'eût point osé, à lui, pauvre, offrir de venir avec elle, avait revêtu l'extérieur du juif et l'avait édité. Il avait trouvé Adrienne d'une gaieté nouvelle, sans que son cœur souffrant eût deviné ce biais sublime qui la rendait heureuse en n'abaissant pas son amant. Insondable abîme de délicatesse et de tendre ingéniosité que le cœur de la femme qui aime.